Ce matin, nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Asubuhi ya leo tunasalimia kila mmoja wenu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Le frère Kanoa et toute sa famille. Ndugu Kanoa na jamaa yake yote mzima. Remercie tous les saints pour leur assistance. Bana pitia watakatifu wote asante kwa msaada yabo. Spirituel comme matériel. Ya kiro na kimwili. Lors du décès de son grand frère. Wakati alufu la mkubwa yake. Ma famille dit que Dieu vous bénisse. Jamaa nasema Mungu amibariki kwa utajiri. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tu simame njoo kusoma neno ya Mungu. Venons chanter notre cantique à l'appel de Dieu. Imbe nyimbo yetu à l'appel de Dieu. Entre-temps, nous ouvrons nos Bibles dans le chapitre 2. Nous avons vu la kitabu yetu ya Luka sura ya 3. Notre Père Céleste, Baba yetu aliye juu mbinguni, De tout cœur, nous te disons merci. Na mioyo yetu yote tunasema asante. Comme nous venons de le chanter. Vile tunatoka mkuimba. Nous voulons être droit devant ta face. Tunataka tupate kuwa benye kunyoroka mbele uso wako. Que nous soyons dans la tombe comme Lazare. Tupate kuwa mkaburi sawa Lazaro. Quand il nous appellera. Wakati utatuita. Nous voulons être prêts. Tunataka tukue tayari. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Pour l'œuvre du Calvaire. Juu ya kazi ya Calvaire. Nous n'avons pas de termes. Hatuna na misemo. Pour exprimer notre gratitude. Juu ya kuonesha shukrani yetu. Nous n'avons pas de termes. Hatuna na misemo. Pour exprimer tes bienfaits. Juu ya kuonesha vizuri vyako kwetu. Nous n'avons pas de termes. Hatuna na misemo. Pour exprimer tes hauts faits. Juu ya kuonesha biwakuwa vyako. Nous voyons toi Dieu. Wakati tunakuona wewe Mungu. Guéris le malade. Uponya wagonjwa. Sauver les perdus. Kuokoa wenye kupotea. Sanctifier les souillés. Kutakasa wenye kuwa wabuchafu. S'occuper de notre vie. Kuangakia maisha yetu. Nous disons Seigneur. Tunasema Bwana. Que ton nom soit glorifié. Jina lako litukuzwe. À toi la gloire. Wako utukufu. À toi l'honneur. Wako heshima. À toi la magnificence. Wako mamlaka. De siècle de siècle. Milele na mlale. Tu es notre Dieu. Uko Mungu wetu. Merci Père. Asante Baba. Ce matin. Sasa asubuhi ya leo. Viens encore au milieu de nous. Uye tena katikati yetu. Parce que ta présence. Kwa sababu uwepo wako. Amène la vie. Ikunaleta uzima. Ta présence. Uwepo wako. Amène la guérison. Ikunaleta matunda. Ta présence. Uwepo wako. Amène la solution à nos problèmes. Ikunaleta majibu kwa mambo yetu. Ta présence. Uwepo wako. Amène toutes sortes de bénédictions. Ikunaleta aina yote ya mabaraka ikumbuye. Guéris les malades. Ponyesha wagonjwa. Sauve les perdus Seigneur. Okoe wenye kupotea Bwana. Nous te recommandons ce service entre tes mains. Que chacun de nous soit couvert de ton sang. Bénis la parole que nous allons lire. Les frères et les sœurs qui sont en ligne. Occupe-toi d'eux. Et bénis le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Accompagne-nous pendant ce service. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Lutte chapitre 3. Luta sura yake ya 3. Dans son verset 7. Mustari yake ya 7. Nous irons jusqu'au verset 18. Tutafikia hata ku mstari wa 18. Boaz mangea et bu. Boaz akakula na akunywa. Et son cœur était tout joyeux. Na moyo wake alikuwa katika furaha. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Akaenda kulala kule ku kikunjo ya mavuno. Ruth vint alors tout doucement. Luta kakuya basi polepole. Découvrit ses pieds. Akamfungula ku mikulu yake. Et se coucha. Na akalala. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Katikati ya usiku huyu mtu Boaz akakuwa na woga mkubwa. Il se pencha. Akainama. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Natazama mwanamke mmoja alikuwa mwenye kulala kwa miguu yake. Il dit. Akasema. Qui es-tu? Wewe ni nani? Elle répondit. Naye pia mwanamke akajibu. Je suis Ruth, ta servante. Niko Luta kichakazi yako. Étends ton aile sur ta servante, yako wako, car tu as droit de rachat. Kuna lali au kombozi. Et il dit, na Boaz akamwambi, sois béni de l'Éternel, ma fille. Na wa milele binti wangu. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Tendo yako ya mwisho na kusijia tena kabisa kuliko ile ya kwanza. Car tu n'as pas cherché de jeunes gens. Kwa sababu hukutafuta vijana. Pauvre ou riche. Maskini au batajiri. Maintenant ma fille. Sasa binti wangu. Ne crains point. Usiogope. Je ferai pour toi. Nitakufanyia. Tout ce que tu diras. Yote leo utasema. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est vrai bien que j'ai le droit de rachat. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit du rachat, à la bonne heure qu'il efface. Mais s'il ne lui plaît, il ne lui plaît pas. T'as usé envers toi. Lakini kama imupendeza pate kutumia ilu yako. J'en userai moi L'Éternel est vivant. Minta itumia mie wa milele kwa mzima. Reste couché jusqu'au matin. Fika na asubuhi. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Akabakia mikulala kumikuu yake kufika na asubuhi. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Na kalamuka mbele ya bushi upate kulamuka bantu wapate kujuana. Boaz dit. Boaz akasema. Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Bashijua sema kwa mwanamke mwaringia mwiki wanje. Et il ajouta, naka ongeza Boaz, donne le manteau qui est sur toi. Leta le koti kuilu yako, et tiens-le. Na uibebe, et tiens-le. Na uibambe, et le tiens. Akaibamba, et il mesura 6 mesures d'orge. Na kapima kibipimo sita ya shairi, qu'il chargea sur elle. Ila kamutwika, puis il rentra dans la ville. Kisha akarudia mumuji. Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, et c'est toi ma fille. Et Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, elle m'a donné ces 6 mesures d'orge. En disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Naomi dit, Naomi akasema, sois tranquille ma fille. Tulizana binti wangu. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Ufika na pale utajua vile mambo itamalizika. Car cet homme, kwa sababu huyu mtu, ne se donnera point de repos. Ashije tejipatia pumziko. Il ne terminait cette affaire aujourd'hui. Bila ye kumaliza hii mambo leo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture sainte. Bwana abariki usome neno lake. Nous avons longuement parlé du repos de Ruth. Tunasemea muda mrefu sana yule ya pumziko ya Ruth. Nous avons montré que le travail de Ruth, tulionyesha kusema kazi ya Ruth, l'avait conduit à un repos. Ili mufikisha paka mapumziko. Nous nous sommes arrêtés sur le verset 1 du chapitre 3 de Ruth. Yule mstari wa kwanza wa sura ya 3 ya Ruth. Pour parler de ce qui nous concerne. Ndio kusemea ile mituangalia shehe. Nous avons montré à l'église. Tulionyesha kwa kanisa. Que pour nous, les élus du Seigneur, il y a deux choses qui nous rassurent la paix. Premièrement, il y a le salut. Et deuxièmement, il y a le mariage. Nous avons longuement parlé de ce qui nous concerne pour rendre nos familles, nos foyers habitables, nos foyers et nos familles, qu'elle soit heureuse. Je pense que chacun de vous a été béni. Et vendredi, nous avons parlé de l'homme bon. Et nous avons beaucoup insisté sur l'homme cruel. L'homme bon, il fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Si vous avez seulement entendu cela d'une manière charnelle, vous êtes malheureux. Si vous l'avez appliqué uniquement ou seulement sur le mariage terrestre, vous êtes malheureux. Le véritable homme bon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Boaz. Mais le véritable homme cruel, c'est le diable. C'est Satan. Qui est le type de l'autre monsieur qui avait le droit de naissance avant Boaz. Bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas aborder cela, sinon je ne vais pas avancer. Si vous acceptez d'être dans l'alliance avec Satan, vous ne serez jamais en paix. Et vous ne serez jamais heureux. Satan est un méchant. Un homme sans pitié. Un homme qui ne connaît pas de miséricorde. Peu importe ce que toi tu peux faire pour Satan, ou le service que tu peux lui rendre, c'est un ingrat. Tu n'auras jamais de récompense. Il continuera à te maltraiter, à te tourmenter, jusqu'à la fin de votre séjour terrestre. Acceptez l'homme bon. Notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Christ. Lui, il a quitté le ciel. Yeye alitoka mbingu. Il est descendu sur la terre. Alishuka pa dunia. À cause de son amour. Kwa sababu ya mapendo yake. De sa miséricorde. Ya rehema yake. De sa bonté. Ya wema wake. Il est devenu comme nous. Alikuwa sawa sheye batu. Il a pris notre place. Alibeba fazi yetu. Il a souffert pour nos péchés. Il a été blessé. Il a versé son sang. Il nous a racheté. Cet homme bon, quand vous croyez, vous entrez en alliance avec lui, il vous donne sa vie, il vous donne sa nature, il s'occupe de vous. Quand tu es malade, il te guérit. Il te donne sa vie éternelle. Quand tu cries contre quand tu cries à lui, il te répond. Il est bon. Il s'occupe de nous. L'épouse est le cœur de Christ. Le cœur de Christ. Moyo wa Christ. Bat au rythme. De l'épouse. Ya bibi arusi. C'est vrai. Arrête ça. Mais regardez. Ça, c'est mon gari. Comme nous l'avons déjà montré. Ville, tu n'as échappé au niche. Ce qui peut rassurer le repos à une femme, il est dans son foyer. Il est naweza kwa kikishia pumziko kwa mwanamke ndani ya nyumba yake. Ce n'est pas sa beauté. Aina urembo yake. Ce n'est ni les rapports intimes multiples, ni multiples. Aina takupatana kwa mwili kutendwa ndoa bia mwali ya bwambia bia mingi. Ni donner beaucoup d'enfants à son mari. Au kuzala batoto mingi kumzalia bwana yake batoto ba mingi. ni avoir beaucoup d'habits, au kuya na manguo ya mingi. Qu'une femme peut changer à tout moment. Il est mon homme qui nous a dit que la wakati. Non, mon frère. Apanandukuyang. Ni la beauté de la femme. Aurembo ya mwanamke. Ni donner au mari beaucoup d'enfants. Aokuzaria bwana batoto ba mingi. Ni des rapports intimes multipliés dans les foyers. Aokuzidisha kupatana mwili ndani ya nyumba. Ni ces changements d'habits. Aokubadilisha kwa manguo kila wakati. Toutes ces choses terrestres. Bile bitu byote bya pai dunia. Toutes ces choses matérielles. Bile bitu bya kimwili byote. Ne peut à aucun cas rassurer à une femme mariée un véritable repos dans son foyer. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Sinon, il n'y aurait pas de prostituées en ville. Sinon, il n'y aurait pas de divorcés dans la ville. Sinon, il n'y aurait pas de troubles dans les foyers. Il y a des riches. Kuko batajiri. Qui ne manquent de rien. Bale bakosewe na kitu. Muhimu hivi. Ils ont l'argent. Beko na feza. Ils ont des avions. Beko na mavion. Ils ont des palais. Beko na manyumba mzuri kabisa. Ils ont beaucoup de biens. Beko na mamali ya mingi. Mais dans leur foyer. Lakini mule manyumba yabo mandoa yabo. Sont des foyers très instables. Ni manyumba moa ina na mshimamo ya mzuri. Nous les voyons. Et dans les maisons des pauvres, nous les constatons même dans les maisons des riches. Jamais la beauté d'une femme peut lui garantir le repos. C'est faux. La véritable sécurité du mariage. Ukingo ya kweli ya mundoa. Et sa paix. Iko inyekuweko. Et sa paix. Na salama yake. Et na salama yake. La sécurité et sa paix. Ukingo ya mundoa na salama yake. Se trouve. Iko napatikana. Dans un bon caractère d'une bonne femme. Mutabia ya mzuri ya mwanamke mwema. D'un esprit respectueux, ya romo ya heshima, chaste, ya utawa, pashipo kupenda, ma relation inje ya ndoa. Ule ashende kutawanyika inje ya ndoa. Une femme chaste qui s'éloigne de toute forme d'adultère. Mwanamke ule konenda ashen ayo nenda mbari na aina yote ya busharati. C'est une femme fidèle. Ni mwanamke mwenye kuwa mwaminifu. Une véritable colombe. Mwenye kuwa njiwa wa kweli. Qui reste seulement et uniquement attaché à son chéri. Ule konabakia tu paka mwenye kuambatana kwa mpendo wake. Elle s'éloigne. Ayo konenda mbari. De toute relation na ma patano yote sexuelle ya mwili ya ndoa extramariage ya nje ya ndoa. C'est ça une femme chaste. Ndio mwanamke mwenye kuya chaste. Une femme d'un esprit paisible. Mwanamke mwa wa roho moya ya salama. Une femme d'un caractère qui se retient. Mwanamke mwa tabia mwa kujizuiza. Qui sait posséder. Ule najua kushika. Ses humains. Ile ma nia yake. Ses sentiments. Ma nia yake andani. Il sait posséder sa langue. Anajua kushika lurimi yake. en face de son mari. Mbele ya mume wake. Un bon caractère. Tabia yenye kwa ya mzuri. Qui est caractérisé. Il est iko na par un esprit respectueux. Na roho ya heshima. Une femme qui respecte son mari. Mwanamke ule unaheshimia mume wake. Une femme qui reste fidèle, chaste. Mwanamke ule ko mwaminifu. Une femme qui aime la paix. Ule mwanamke anapenda salama. Et qui donne la paix à son époux. Na yuko naleta salama kwa mume wake. Une femme retenue. Mwanamke mwakujiwa kujizuiza. Sa main la paix. Yuko naleta salama. Sa sécurise. Yuko naleta ukingo. Le mariage. Ndoa yapo. Deuxièmement. Kitu kia pili. La soumission. Kuti. Et une obéissance totale na utifu ya utele, en toutes choses. Mubitu biyote. Une femme soumise mwanamke mutifu et obéissante na wakuti aura un mariage rassuré. Atakuwa na ndoa moya yenye kuwa ya mzuri hakikisho. Troisièmement, kitu kia tatu, l'humilité, unyenyekevu et la douceur na upole devant son mari, mbele ya mume wake. Pas une femme arrogante. L'humilité et la douceur. Na upole. Rassure la paix et le mariage. Ndani ando. C'est vrai. Quatrièmement. Kaine. La patience. Uvumilivu. Une femme. Mwanamke. Douée d'une grande patience. Mwenye kuya na uvumilivu ya mkubwa munene. Qui sait supporter. Ule anajua kuvumilia. Les erreurs mankosa de son mari. Ya bwana yake. Avec beaucoup d'affection. Na mapendo ya mingi. Son mari sera rassuré. Ndoa yake itakuwa katika salama. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. C'est vraiment sœur. Ndio kweli dada yangu. Regardez ce que nous avons lu ici. Mwangalie ile tulisoma hapo. Parce que Ruth. Kwa sababu Luta est allé se coucher au pied de Boaz. Arenda kulala kumikuru ya Boaz. Comme cela lui fut recommandé par sa mère. Vile ilimwagiziwa kwa mama yake mkuu. Sa mère lui dit. Mama yake mkuu akamwambia. Quand tu va identifier l'endroit où il va se coucher. Wakati utaona fazi pala tenda kulala. Observe. Angarishisha. Et allez-y doucement. Na wende pole pole. Quand tu arrives. Wakati utafika. Tu vas découvrir tes pieds. Utafungula kule kumikulu yake. Tu vas soulever la couverture utalamusha ile ashakufunika dont il s'est couvert. Ile alikuwa ashakudiweka hiyo. Et couche-toi na ulale. Et ne fais rien d'autre na usifanye tena kitu kingine. La couverture dont ifiniko kile Ruth a découvert. Nguo ile Boaz alikuwa ashakufunika ile Luta alipola. Pour se coucher au pied de Boaz. Njoo yeye kulala kule kumikulu ya Boaz. Elle est type du Saint-Esprit. Ni mfano wa Roho Mtakatifu. Ruth n'était pas une femme immorale. Luta shikuwa mwanamke wa shipo heshima. Non, hapana. Sa mère ne lui a jamais demandé d'aller dans la poitrine de Boaz. Aller dans la poitrine d'un homme sans sa volonté, c'est un acte immoral. Cela prouve que vous êtes une prostituée. Allez se coucher à la tête de Boaz. C'est un acte indigne. Pour une femme vertueuse comme toi, Ruth. Kwa mwanamke mwema sawa Luta. C'est de l'orgueil. Ni kiburi. Ou pas être orgueilleuse. Apana kuwe wa kiburi. Ce sont des prostituées. Ni bandumba. Qui sont arrogantes. Bojo banasemaka mingi sana. Qui sont immorales. Bojo banakosa adabu. Toi non. Oui, apan. C'est indigne pour une femme de votre caractère, de votre trempe. Aina ni kustahili kwa mwanamke wa sawe. Si tu vas sur sa tête, kama unaenda yule kichwa yake, ou dans sa poitrine, au mkilari yake, tu seras considéré comme une prostituée. Utaonekana sawa mwanamke ndumba. Et tu vas tout rater. Na utakosewa vyote. C'est pourquoi va à ses pieds. Humilie-toi au calvaire. Humilie-toi à ses pieds. Va se couvrir de son sang. Va accepter la souffrance avec humilité pour vos péchés. Pamoja na unyenyekevu juu ya dhambi yako. Commencez d'abord par mourir là-bas. Anzia mbele ufie kule. Wewe mwenyewe mbele tangura kujipunguza bei. Toi-même commence à te rabaisser ton prix. Ni yeye ndiye atakwambia kia wewe kufuani. C'est lui qui te dira. Lakini avec moi. Kanisa pamoja nami. Boaz est mwenyewe. Boaz lui-même. Dieu atakwambia kile wewe peke utafanya. C'est lui qui te dira ce que toi tu dois faire. Kisha kulala kumikulu yake. Après que tu sois dormi à ses pieds. Ukichwa, hapana. À la tête, il ne le faut pas. Mukilari, hapana. Dans sa poitrine, il ne faut jamais le parce faire. Parce que c'est un acte indécent. Kwa sababu ni tendo mwa istahili. C'est vrai. Il y a quoi? C'est ce qui nous est recommandé. Dieu les chevre et l'ombre. Comme de véritables chrétiens. Sawaba Christ wakwe. Quand nous venons à la foi. Wakati tunakuya tunamini. Comme nous l'avons déjà montré. Vetisha kuyoneshaka. La mise en pratique de toute la parole de Dieu. Kutumikia neno yote ya Mungu. Nous conduira à une véritable sanctification. Et il te tuongoza kutakaswa ya kweli. Et lui a dit, alimwambia, lave-toi, nawa mai, oint-toi, ujipaka mafuta, et mets tes habits, na uvale manguo yako. Bien lavé, nawa ukuna bien vêti, uvala mzuri, lakini, va te coucher, lakini wewe uende soka lale, kumikulu yake. Et Naomi et Ruth, na Luta, a obéi. Aliti, mot à mot. Semo nukta kwa nukta. Une femme propre. Mwanamke wa mzuri wa usafi. Eko na nuka mzuri. Qui est bien vêtu. Anavaa mwenye kuvaa mzuri. Mais au pied de Boaz. Lakini aenda kulala kubikulu ya Boaz. Nduku. La croix de Jésus-Christ. Msalaba ya Yesu Kristu. Nous conduit toujours. E iku netongoza paka. À l'humilité. Kunyenyekevu. La croix de Jésus. Musalaba Yesu. Nous aide à porter. Iku netusaidia tupate kubeba. L'opprobre. Aya. La parole. Aya ya neno. La croix de Jésus. Musalaba Yesu. Nous conduit. Iku netongoza. À la mort de soi-même. Kulufu de nous-mêmes. Kulufu lwetu chebenyeo. Pourquoi nous mourons à la croix? C'est pour recevoir la vie Buzima. Et le caractère, Natabia. Un bon caractère, Natabia ya mzuri. La vie éternelle Buzima wa et le bon caractère Natabia ya mzuri. De Christ, ya Christo. Notre véritable Boaz. Boaz wetu wa kweli. Frère, Banduku. Sœur, Badada, aussi longtemps wakati yote que tu seras orgueilleux utakuwa paka wa kiburi devant la parole mbele ya sauti ya Mungu. Tu ne recevras rien de la part de Dieu. Aussi longtemps, frère bien-aimé, qu'il n'y aura pas d'humilité en vous devant chaque parole qui t'est enseignée, chaque parole qui t'est révélée, Dieu n'aura rien à faire avec toi. Vous passez inutilement votre temps dans l'église. Les dons, les dîmes, les offrandes que vous offrez à l'église, vous l'offrez pour rien. Vous n'aurez ni vie, ni nature de Christ, asili ya Christu, ni récompense de Dieu. Malipo kwa Mungu. Aussi longtemps wakati yote que vous n'accepterez pas aoutaichika de porter l'opprobre, kubeba la aya, honte qui accompagne la parole de Dieu, ile aya kunashindikiza neno la Mungu, dans toute humilité, katika unyenyekevu yote, aussi longtemps wakati yote que vous recevrez, utapokea, que vous refuserez, utakatala de renoncer à vous-même, kujikatalia wewe mwenyewe, de mourir à vous-même, kufa wewe mwenyewe. Vous travaillez en vain. Vous ne recevrez rien de la part du Seigneur. Et notre Seigneur est très exigeant. Et ce matin, je dis ceci à chacun de vous. Bas frères, beauté. Tous les frères. Naba sœur beauté. Et toutes les sœurs. Abayazari kwa kamala ya pire. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Na abayazari kwa kamala ya pire jusque ce matin quand je parle. Et qui ne sont pas encore nés de nouveau aujourd'hui quand na je parle. Na bana na rom takatifu. Et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pendant que je parle. Mwakati nuna sema hapa. Sont des frères orgueilleux et des sœurs orgueilleuses. Des frères et des sœurs qui manquent d'humilité devant la parole de Dieu. L'humilité, ce n'est pas s'habiller mal ou porter les habits sales. Non. L'humilité, c'est savoir, se soumettre et obéir na kuti à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ile kunatoka mukinywa kya Mungu. Kama neno la Mungu inasema kini. Lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, awikitumikie, et que tu ne pratiques pas cela, tu n'es pas humble. Hauna unyenyekevu. Sauti ya Mungu. Neno ya Mungu. Hata inatapa, iko napenda kukutosha heshima yako. La parole de Dieu, lorsque même ça peut te ôter ton pasteur, tu n'aimes pas pasteur, ça ne voit pas que tu es un pasteur, ça ne voit pas que tu es un directeur, et la parole de Dieu ne voit pas que tu es un commerçant qui te dirait oui. Vous êtes dans l'obligation de vous humilier, d'accomplir, d'obéir à la parole de Dieu. Neno ile ya Mungu. Je m'excuse. Saman. Vous voyez bien mes frères. Muna ona bapendwa nduku. Uko orgueilleuse. Tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Uko wa kiburi mwanaume. Dieu Mungu anaweza kukuambia vitu vya mingi sana. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Tu es une femme et un homme incrédule. Dans ta tête, tu ne veux pas te rabaisser afin de faire ce que la parole de Dieu te demande. Voilà pourquoi le paganisme t'accompagne toujours. Et la nature de Christ n'est pas en toi. Tu refuses una katala de dormir au pied de Boaz. Kulala kumikulu ya Boaz. C'est vrai. Ni bia kwe. Mais considérez le comportement de Ruth. Mwangare tu mwebenyewe kujitoa kwa Ruth, mwenendo wa Ruth. Lo Ruth, Luta. Lorsqu'elle dormait au pied de Boaz, c'est un grand type pour nous. Cet acte que Ruth a commis, il est temps de le lutter à Rifania, d'aller dormir au pied de Boaz. Ya kwenda kulala ku mikulu ya Boaz. C'est un type pour nous les chrétiens. Ni mufano kwetu chez ba Christ. Dans cet acte, Miletendo, Dieu nous dit Mungu anatuambia, que nous devons toujours ya kwamba tunapasha paka, nous identifier kujilinganisha, en toutes choses mumbintu byote, à la mort de Jésus-Christ mulufu ya Yesu Kristu, pour avoir le véritable repos. Juu ya kupata pumziko ya kweli. Pour avoir le véritable repos, nous devons nous identifier en toutes choses à la mort de Jésus-Christ. Nous devons nous humilier en toutes choses devant la parole de Dieu. Nous devons porter l'opprobre de Christ, l'opprobre de la parole, en toutes choses. Nous devons toujours mourir à l'ancienne vie pour ressusciter à nouveau ta vie avec notre Boaz. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. C'est notre responsabilité. Pas la responsabilité du pasteur. Pas la responsabilité des anciens. Nos bien-aimés frères. Ce n'est pas la responsabilité de ta femme. Ou la responsabilité de ton mari, de tes parents, de tes enfants, non. C'est la responsabilité de chaque frère, de chaque sœur qui désire le repos de son âme. C'est vrai, frère. Nous devons le faire. Si vous ne le faites pas, tu ne verras rien. Dieu n'a rien à faire avec toi. Tu t'es toi-même exclu de son programme. Tu n'es même pas dans son plan. Pour que la condamnation te soit ôtée, acceptez cela. Si tu ne le fais pas, tu cours un danger. Dans Romains au chapitre 6, prenons le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Pamaisha mupia. En nouveauté de vie. Pamaisha mupia konekana ndani ya maisha yako. Pour que la nouvelle vie soit visible en toi. Ju buzima bwa Yesu Kristo bonekane ndani yako. Pour que la vie de Jésus-Christ soit manifeste en toi. Unapasha kuichika. Tu dois accepter. Et humilier la parole de Dieu. Na kufwa complètement. Et de mourir entièrement. Kumaisha yako ya bupagano. De ta vie pagane, de païen. Aifa kile maisha. Il ne faudrait plus que cette vie-là. Yanze koneka nanda na maisha yako. Soit encore visible en toi. Non bien-aimé frère. Apana wapendwa nduku. Non bien-aimé sœur. Apana mpendwa dada. C'est l'humilité. Ni unyenyekevu. Qui amène un véritable croyant. Joy unapeleka mwaminifu wa kweli. A demeurer à genoux. Apate kubakia kwa magoti. Dans la prière. Ndani ya maombi. Jusqu'à ce que. Kufika na pale. La nouvelle vie apparaisse en lui. Maisha mapya yataonekana ndani yake. Frère. Banduku. Sœur, Madada, écoutez-moi ce matin. Munisikiliza asubuhi ya leo. Mourez en Christ. Kufueni ndani ya Kristo. Pour mettre fin. Ya kushimamisha. À votre ancienne vie. Maisha yenu ya zamani. Cette ancienne vie du péché. Ile maisha yenu ya zamani ya dhambi. N'attendez pas votre mort physique. Mushichunge lufu lwenu la mwili. Pour que le péché. Juu kusudi dhambi. S'arrête en vous. Ipate kushimama ndani yenu. Frère, Banduku. Sœur, Badada. N'attendez jamais. Abana kongoja kamwe. Votre mort physique. Ukufa mwili umu. Pour que le péché. Juu zambi. Cesse en vous. Ipate kushimama ndani yenu. Vous serez perdu pour toujours. Mourez maintenant en Christ. Pendant que tu es en vie dans ce corps. Mourez au péché. Et la vie éternelle. La vie de Christ. Apparaîtra en vous. C'est vrai. Il faut kufa hapa sasa. Il faut mourir maintenant. Ukingari mujio mwiki mwili. Lorsque tu es encore en vie dans cette chair. Zambi yako ipote. Que ton péché soit ôté. Le monde pécheur. Dunia ya zambi. Ikusabu. Que cela puisse t'oublier. Il faut. Le monde des pécheurs puisse t'enterrer maintenant pendant que tu vis dans son corps de chair. Si on te cherche dans les prostituées, tu n'y es pas. Tu es déjà mort il y a longtemps. Et même ton nom, on l'a déjà oublié. Si on te cherchait, au milieu des voleurs, ton nom, on l'a déjà oublié au milieu des voleurs. On ne sait même plus ce que toi tu faisais. Si on te cherchait, au milieu des gens des menteurs, des gens colériques, des gens orgueilleux, on te cherchait là-bas, tu n'y es plus. On te cherche dans les fumeurs des chambres de cigarettes. On te cherche dans des bars. Tu n'y es pas. Aux yeux des gens, tu es devenu une femme vain. Tu es devenu un homme vain. Tu n'as plus de valeur. On a tenu un abeille. Il n'y a plus rien ce que les païens profitent de ton côté. Il n'y a plus rien que les démons profitent de ton côté. Tu deviens un homme sans valeur. Inutile parmi les démons et parmi les païens. Il ne faut pas attendre la mort physique. Mourez maintenant. L'église est avec moi. Jésus-Christ a accepté de souffrir. A accepté de mourir. Et de verser son sang. C'est afin de t'ouvrir la voie. Afin que tu meurs. Et étant dans ce corps, à ton péché. N'attendez pas la mort. Même après la mort. Le péché te suivra. Zambio est à foi ta poc. Oui, bien aimé frère. Dieu va peindre nous. C'est une doctrine. Ni ma fundisho moi. De tous ces païens. Il y a bapagan ou bot. Religieux. Bakidine. L'église est avec moi. Kanisa pour moi, j'en ai. Je pense que moi suivre. Mais Zania, c'est ma mouille ni foi. Cette théorie, il est poussé ma mamie Samuel. Cette doctrine, il est ma fondation qui amène les gens, il est on a soukouma watu à faire cesser leur péché. Papa te kushima misha yabo mwili yabo à la mort physique. Wakati watakufa mwili. C'est une théorie. Ni ma fondation moi qui gagne tout le monde païen. Isha kuina dunia yote bapaga. C'est la raison pour laquelle. Jo sababu ile. Même quand une prostituée. Ata ndumba. Même quand un devin. Ata mfumu. Vous voyez. Un féticheur. Mutenda mchawi. Un ivrogne. Muntu mulevi. Mais. Wakati atakufa. On écrit sur sa croix. Bananjika yule msalaba yake. Que son âme. Ate nafsi yako. Repose en paix. Ipumzike katika salamu. Parce que pour le monde païen, pagano, quand quelqu'un meurt, kufwa, le péché cesse shima, et il va directement dans la présence de Dieu. Wa quelle séduction! Tous ceux qui meurent en dehors de Christ, inja Christu, ne vont pas dans la paix. Abende musalama. C'est faux. Nibia bon. C'est une séduction. Ni utongozi tu. Une prostituée qui arrache les mariés. Il arrache les enfants d'autrui. Il arrache les femmes d'autrui. Il meurt. Il va en repos. Et il va directement où il va dans la présence du Seigneur. C'est un mépris à l'égard de la rédemption. C'est un mépris à l'égard de l'œuvre que Christ a accomplie au bois du calvaire pour nous racheter de notre ennemi pendant que nous sommes encore dans ce corps. Frère, Banduku. Humiliez-vous au bas de la croix. Répondez-vous de chaque péché qui s'élève dans votre cœur, dans votre corps. Maintenant. Arrêtez tout. Shimamisha biote. Tout ce qui est compté avec la parole biote de Dieu. Faites cesser. Shimamisha. Tout mouvement de démon. Shetani, dans votre vie. Maintenant. Arrêtez la haine. Shimamisha chuki. Maintenant, hapa sasa, arrêtez les calomnies. Shimamisha kusingizia. Maintenant, hapa sasa, arrêtez la médisance. Shimamisha ku. Maintenant, hapa sasa, arrêtez la prostitution. Shimamisha kunyumba. Maintenant, hapa sasa, arrêtez la envie. Shimamisha matama. Maintenant, hapa sasa, arrêtez l'orgueil. Shimamisha kiburi. Arrêtez tout ce qui est contraire. Shimamisha biote vinyikuwa kiburi. À la parole de Dieu. Na neno ya Mungu. Le sang de Christ. Damu ya Kristo. Est là pour te secourir. Iko pale njoo kusaidia. Si vous attendez la mort, physique, vous êtes séduit. Et puis, comme j'ai déjà fait beaucoup de jours dans l'église, Dieu aura pitié de moi. La miséricorde de Dieu, il avait envoyé Jésus-Christ. Et la miséricorde de Dieu, c'est ce qui t'enseigne ce matin, c'est ce que tu dois faire. La miséricorde que tu cherches, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Dans Romains chapitre 6, Mouarouma sura sita, dans son verset 7, Moustara Kiasab, car sababu, celui qui est mort oule anisha kufa, est libre du péché. Eko uru kuzambi. Car kwa sababu, celui qui est mort oule anisha kufa, il est mort avec Christ. Alikufa pamoja na Kristo. Est libre. Eko uru. De tout péché. Dhambi yote. Dans son corps. Ndani ya mwili yake. Et quand vous êtes libre. Na wakati de tout uru, péché. Dhambi yote. Pour te rassurer. Ndia kukwatikishia. Que maintenant tu es libre. Ya kwamba sasa uko huru. Dieu ôte la condamnation. Mungu anatosha hukumu. Dans ton cœur. Ndani ya moyo wako. Romains 7. Waroma saba. Romains chapitre 8. Waroma sura mnani. Romains 8 verset 1. Musare kisasa ya kwanza. Il y a donc kuko basi, hakuna tena basi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, hakuna tena basi hukumu hata moja, pour ceux qui sont kubale beko à Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Car la condamnation Théoté. Wakati hukumu wanakuondosha hiyo. C'est un signe qui prouve. Ni alama ya kuhakikisha kusema. Que le Seigneur. Bwana. T'a pardonné. Anesha kusamehe. Mais s'il y a des condamnations. Lakini kama mungariki mahukumu. N'attendez pas la mort physique. Apana kuchunga lufu la mwili. Pour régler les problèmes du péché dans ta vie. La mort de Jésus-Christ. L'oufre de Jésus-Christ. Au bois du calvaire. Au ya calvaire. A déjà réglé. Mesha la question du péché. Mambo ya zambi. Dans notre vie. Ndani ya maisha yetu. Ce n'est pas notre mort physique. Qui doit régler. Le péché. Zambi. Dans notre corps. Ndani ya mwili yetu. Dans Galates chapitre 2. Moi Galatia sura pili. Verset 20 et 21. Mustara makumbina makumbina moja. J'ai été crucifié avec Christ. Nilisulubishwa pamoja na Kristo. Galates chapitre 2. Wa Galatia sura pili. Verset 20 à 21. Mustara makumbili paka makumbina moja. J'ai été crucifié avec Christ. Il est soulevé pamoja na Christ. Et non. Si je vis, kama niko naishi, ce n'est plus moi qui vis. Aina tena mie niko naishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo yuko naishi ndani yangu. Et si je vis maintenant dans la chair. Na kama sasa niko naishi hapa sasa mumwili. Je vis dans la foi. Niko naishi ndani ya imani. Au fils de Dieu. Kwa mwana wa Mungu. Qui m'a aimé. Ulalinipenda. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Na ulijitoa yeye mwenyewe juu yangu. Je ne rejette pas. Mishikatae. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Je ne rejette pas ce que Christ a accompli au bas du calvaire. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si aujourd'hui, vous êtes incapable de faire cesser la vie du péché en vous, alors Christ est mort en vain. Christ est mort en vain. L'œuvre de Golgotha n'a aucune valeur. Satan n'a pas été vaincu au bois du calvaire. Vous pouvez par votre vie du péché que Satan n'a pas été vaincu. Et pourtant Jésus nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment lui a vaincu le monde? Mais le monde continue à vivre en toi. Lakini dunia wewe endelea kuishi paka ndani yako. Non, frère. Hapana ndugu. Non, ma sœur. Hapana dada yangu. Je vous en supplie ce matin. Miko na misi asubuhi leo. N'attendez jamais votre mort physique pour arrêter le péché. Non. C'est maintenant que le péché doit cesser. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Dieu m'pendwa dada. Ruth a reconnu, Luta aritambua, que un seul homme, ya kwamba mtu tu mmoja, qui avait le droit de rachat sur elle, ule alikuwa na halali ya ukombozi yulu yake, était Boaz. Alikuwa tu ni paka Boaz. Pas deux. Apana bawili. Pas trois. Apana batatu. Si dans votre foi, kama ndani ya imani yako, tu reconnais, unatambua, que c'est seulement Jésus Christ, ya kwamba ni paka tu Yesu Kristu, l'unique homme, muntu tu moe, capable de racheter, unaweza kununua, et de te donner la vie, na kupatia buzima, tu dois lui faire confiance, unapasha kumtumainia. Tu dois lui faire confiance. On n'a pas choix comme ça, comme tu m'as dit. Quand vous allez à genoux, wakati unaenda kumagoji, pour demander son secours et son soutien, Dieu kuomba msaada yake. Pas dormir, hein? Hapana kulala. Quand vous allez à genoux, wakati unaenda kumagoji, pour réclamer votre droit de rachat au Seigneur, juu ya kulomba lali yako ya ukombozi kwa Bwana, pendant que tu es à genoux, wakati leo ungariki kumagoti, pendant que tu t'humilies, wakati leo kunajinyekeza, pendant que tu te repens, wakati leo kunatubu, vous devez reconnaître, unapasha kutambua kwamba, votre propre incapacité, kukosa kwa uwezo, de faire quoi que ce soit, ya kufanya kitu kyote kyote, pour vous racheter, juu ya kujikomboa, pour vous libérer du péché, juu ya kujikomboa kuzana. Vous devez reconnaître, unapasha kutambua, que lui, ya kwamba ni yeye, le Seigneur Jésus Christ, Bwana wetu Yesu Kristu, est l'unique rédempteur, ndio mkombozi tu mmoja, c'est lui l'homme capable, ni yeye mtu mwenye kustahili, qui a le droit de rachat, ule kuna uwezo halali ya ukombozi yulu yako. Quand vous êtes à genoux là, wakati uko magoti pale, dans votre prière, ndani ya maombi yako, autalomba, tu ne vas pas prier, ça va pentecôtiste, comme les pente, Seigneur unijaze, Bwana rempli moi, Bwana accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, rempli moi, ce sont des fausses prières. Comment on a là la cage? Si tu t'endors, c'est ton problème. Ça, ce sont des prières fausses. Oh, remplis-moi, remplis-moi. Accorde-moi la victoire. Toutes ces choses sont des prières fausses. Dieu ne peut pas répondre à une telle prière. Ouvrez votre matrice spirituelle. Lorsque tu vas à genoux, tu vas à la croix de Jésus écouter Imani yako. Pendant que tu cherches le secours, wakati unatafuta msaada, d'en haut, ya kumbingu. Pendant que tu cherches, wakati unatafuta, que votre Boaz, ya kwamba Boaz wa Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristu, qu'il est temps de son aile sur toi, apate kunyosha mkono yake juu yako, ndio kukomboa. On n'a pas choix clairement. Tu dois, wazi-wazi, après avoir, weye, vous confessez, mkiri, votre faiblesse, udhaifu yako, de ne pas céder soi-même, ya kushinda kujoko et de reconnaître lui, na kumtambua paka yeye, comme l'unique rédempteur, ta mkombozi moja tu, umukumbushe wazi-wazi, rappelle-lui au clairement, la promesse, les promesses, mamarako. Priez Omba, selon les Écritures. Na mandiko, c'est-à-dire quoi? Omba, priez en citant, mukutaya, en invoquant mukuita, les promesses mamalako, qui sont liées à ton rachat. Vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas. Amuelewe. Vous ne comprenez pas. Amuelewe. Regardez Ruth. Momongare Luta. Quand Boaz a touché quelqu'un. Wakati Boaz a chité à sa kukumuntu. Ni nani uyu. C'est qui? Vous avez tout sommet. Ni nani uyu. Ancien linu. Ni c'est qui? Uyu analala. Kumikuru yangu. Ni nani? Celle qui s'endort à mes pieds, c'est qui? Vous êtes sommet. Lisez ancien. Écoutez. Mushiki. Écoutez comment cette femme Mushiki vile huyu mwanamke a répondu à Boaz. Ari mujibu Boaz. Hapana huko naomba omba. Il ne faut pas prier. On vous dit prier. Wanasema omba tuma sana. Tu es malade toi? Uko mgonjwa. Prier. Omba. C'est demander. Ni kuomba. Prier. Kulomba. C'est exposer. Ni kusema. Son besoin, c'est parler. Itaji yake ni kusema. On parle. Mumaombi. Huko nasema, huko nasungumuza. Hata mtu atakapo mwenye anakuria. Même si ton enfant venait. Il cherchait un stylo. Il commence à pleurer. On l'a cherché de l'école à cause de Zambik. Il commence à prier. Ah, papa, papa. On est saisi. Aide-moi. Ni kusaidie nini? Je vais t'aider quoi? Si mitakupika na michi. Je peux même te fouetter. Uniambie wajuaje akusema. Dis-moi clairement que papa, bara nifukuza kwa masomo. On m'a chassé de l'école. Si parce que je n'avais pas un stylo. Oh, ni saidie. Oh, aide-moi, papa, aide-moi. Ni kusaidia munini? On va t'aider quoi? Ni maombi ya babumbafu. C'est la prière des insensés. Prier. Pour la mika. C'est causer. Ni kusema. Prier. C'est parler. Ni kusema. Prier. C'est exposer. Ni kusema. S'exposer son désir. Il n'y a pas de la magie. Hakuna majende. Pourquoi beaucoup de frères et beaucoup de sœurs n'ont jamais expérimenté abaya onjaka bado, le véritable salut? Ukovu ya c'est pas qu'ils savent pas comment prier. Lisez ainsi. Ruth chapitre 3 verset 9. Luta surata tum sarai ya tisa. Il dit qui es-tu? Elle répondit. Je suis Ruth ta servante. Je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Car tu as droit de rachat. C'est toi seul qui as droit du rachat. Elle n'est pas partie par quatre chemins. Elle n'a pas demandé. Ruth n'a pas demandé un grano. Dans cette période, Ruth n'a pas demandé le blé. Comme nous sommes pendant le temps de la moisson, accorde-moi les sacs de blé. Ce n'était pas son problème. Elle était en face d'un besoin, d'une chose très importante, qu'un grain. Le temps de chercher à manger, c'était déjà passé. Maintenant, c'est le temps d'être racheté afin que je sois une partie de l'île de Boaz. Vois bien mes frères. Unaona wapendwa ndugu. Vois bien mes sœurs. Unaona mpendwa dada. Kukosa kuyua kuomba. Ne pas savoir comment prier. Vous êtes à genoux. Uko kumagoti. On commence d'abord. Bananzaka mbeli. Par se repentir. Par la repentance. On commence d'abord. Bananzaka kwanza kwanza. Par reconnaître. Jia kutambua. Ya kwamba kumtenda zambi. Regardez comment David a prié. Mwangare vile Daudi aliomba. Comment ndani ya mtu suyé. Je dans un homme suyé. Mtawezi kutoka vitu vizuri. Il peut en sortir de bonnes choses. Mtawezi kutoka vérité. Comment peut-il en sortir de sortir de la vérité? Amuna ukweli ndani yao. Vous voyez? Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le faire. Leo chena wakati ya kuifanya. Les élus comprennent ce que. Lakini bateule vile unaelewa kile. Naona wapendwa ndugu. Frère. Nduku. Apana kuomba sabu mbavu. Il ne faut pas prier comme un insensé. Apana. Tuombe. Prions. Comment ça saute à. Uko mbavu. Tu es un insensé. Tuombe. Prions. Toi, tu commences à pleurer. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Que Jésus fasse quoi? Jésus fasse quoi? Que Jésus fasse quoi? Jésus fasse quoi? Que Jésus te fasse quoi? Pas bien mes frères. Unaona wapendwa ndugu? Vous commencez d'abord. Unaanzia kwanza kwanza. Par vous humilier. Unjinyenyekeza. Unalala kumikulu. Wewe mwenyewe. Toi-même. Tambulia kujishusha. Commence par te rabaisser. Tambulia kujivula. Commence par te dévêtir. Tambulia kujiakize mbele ya Mungu. Commence par t'accuser devant Dieu. Mwonesha Mungu. Que tu ne vaux rien. Ya kwamba una na bei. Tu n'es rien. Hauna kitu. Tu ne vaux rien. Hauna na bei. Tu ne fais rien. Awezi kitu. Dites ça au Seigneur. Umwambie le Bwana. Avant de faire quoi que ce soit. Mbele ya kufanya izuri kitu kyokyote. Parle uko kule. Lorsque tu es là-bas. Priez. Écoutez-moi bien. Mulishike mzuri. Quand tu te repens. Wakati kuna tubu. Ne demande rien. Hapana kulomba kitu hata kimoya. Avant de sentir. Mbele ya kushikia. Quelle onction. Ya kwamba upako. Inesha kushuka. Ne demande rien. Ushombe kitu. Afin de sentir. Mbele ya kushikia kwamba. Ya kwamba Mungu. De la paix. Dans votre cœur. Anatosha hukumu ndani ya moyo wako. Ne demande rien d'autre. Hapana kuomba kitu kingine. Ne demande. Hapana kuomba kitu kingine. Avant. Mbele. Que la condamnation. Mbele ya hukumu. Et la paix. La condamnation te soit ôté. Mbele ya hukumu iondoshwe. Et la paix. Na salama. Soit dans ton cœur. Ikuwe ndani ya moyo wako. Kama uko naomba, si tu pries, Dieu a wokovu, pour ton salut. Pale unaanza unashuka kumikuli ya Yesu. Lorsque tu rabaisse au pied de Jésus, au pied de Boaz, à la croix de Boaz, tu commences à te répandre, tu t'humilies. Toi-même tu t'accuses. Comment tu es méchant. Vile ku muntu mubaya. Comment tu n'as pas de valeur. Vile una na bei. Kama yeye anakuacha. Si t'abandonné. Kama muntu mwingine. Personne d'autre ne peut. Atawezi kukusaidia. Venir t'aider. Frère. Duku. Je le répète. Mina rudiriamo. Omba. Prie. Jusqu'à ce que. Ufika na pale. Ou sentir muro yako kusema. Que tu sens que dans ton cœur. Il est maombi yako. Que ta prière. Mungu anaikubali. Dieu l'a agréé. Na zambi yako. Et ton péché. Il a kusamehe. A été ôté. Quand l'onction vient, wakati upako na kui, ouvrez vos quand oreilles. Vient, wakati upako na kuya, c'est l'onction qui vient là. Ni le onction na kuya, c'est maintenant, c'est Boaz. Ni Boaz. Qui est là? Ni Boaz. Vous voyez? Ni quand l'onction vient, wakati upako na kuya, c'est quand l'onction vient. Wakati upako na kuya, alors l'écriture dit, na ndiko na sema, demandez tout ce que vous voudrez. Ombeni kile kile mataka, na ile watakupatia hiyo. Dites maintenant au Seigneur. Toi, Dieu monte moi. Tu es le seul. Quand cet ange a crié. Wakati yaka biya la. Cet ange puissant. Ule malalaika ila namika. Qui est dit? Nani anastahili? Qui est dit? Nani anastahili? De prendre livre. Ya kubeba kitabu. De briser ses sceaux. Ya kuvunja miuri yake. Na kuifungua. Na kuifungua. Personne n'était au ciel. Hakuna mtu kumbili. Si la tenya vepe. Ba dunia pa kwe mtu. Ande si nyabe pa. Chini ya dunia pa kwe mtu. C'est toi qui étais dit. Ni wewe ukustahili. Waanze kumutapa. Commencez par le vanter. Dis à Jésus que. Tu es l'unique Dieu. Uko Mungu tu pekee. L'unique rédempteur. Mukombozi mmoja. Ule kona ya kombozi lui yangu. Quand Si toi tu ne me sauves pas, personne d'autre ne peut le faire. Ah, non pas le pasteur, non pas un prophète, non pas l'église, toi seul, tu es digne de me sauver. Rappelle-nous, au calvaire, tu avais pleuré, au calvaire, tu avais versé ton sang, au calvaire, toute cette souffrance, c'était à cause de moi. Moi, je n'ai rien. Mon espérance, c'est toi, Jésus-Christ. Rappelez à votre boîte. L'heure est avancée. Et pourtant, je n'ai pas encore fait quelque chose. Voyez, frère. Ma soeur. Ce ne sont pas ces prières ici. Deux minutes. Tu quittes à genoux. Madakika Makumitatu, tu quittes à genoux, à Pan. Ce n'est pas ça la véritable prière. Vous pouvez que vous n'avez pas besoin de quelque chose. On reste là. Bakia tu parles. L'église est avec moi. Kanise ou pamoja na mie? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que kanise ou pamoja na? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous na? Vous recevez quelque chose? Et tout le monde a dit qu'il y a un petit mot. On répond toujours comme ça. Je sais que tout le monde comprend. Quand vous sentez, quand vous êtes là, je vous parle comme un. Pourquoi qu'on a ta foutu à bien pousser? Tu cherchais à dire. Vous vous trouvez dans une atmosphère qui n'est plus ordinaire. Les paroles commencent. Les choses à dire commencent à venir. Souviens-toi que c'est la jambe de Boaz, le pied de Boaz qui t'est. C'est ça le temps favorable. Dis-lui ce dont tu as besoin. Non, on va peindre un doux. Toi, tu ne sens rien. Oui, il y a qui tout. Même quand on prie dans l'église. Si vous pensez que quelqu'un est tombé, ça, ce n'est pas ton problème. Si tu pensais que quelqu'un, tu écoutais quelqu'un crier, ce n'est pas ton problème. Laisse-le crier. Si tu entends Jésus, Jésus, ce n'est pas ton problème à toi. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu as le problème de ton salut. Non, on va peindre un doux. Lorsqu'il crie, tu ne sais pas ce qui est fait. Toi, tu n'as pas encore vu quelque chose. Tu n'es pas encore touché par quoi que ce soit. Pendant que tu es riche, attends que le Boaz puisse te bouger, qu'il te bouge. C'est Boaz qui a le problème. Dors seulement à ses pieds. Continue à te repentir. Continue à demander pardon. Continue à demander secours. Lorsqu'il va te bouger, deuxième chose, commence par le vanter. Non, on va peindre un doux. Dis-lui que c'est toi seul qui es digne. C'est lui que on avait vu dans l'Ancien Testament. Tu commences à invoquer. Le problème, c'est pourquoi il faut que Dieu mange. Voilà pourquoi il faut savoir les Écritures. Il faut savoir la parole de Dieu. Pour toucher, vous invoquez les promesses qui sont liées à la rédemption. Toi, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Banduku. Quand ma Boaz a l'intention, lorsque Boaz te fait bouger, tu ne quitteras pas genou comme tu étais entré au genou. Il faut dormir là-bas. Ce qu'il va faire, c'est ce que les frères. Oh, Naumbasana! Oh, j'ai beaucoup prié, Je suis fatigué, je ne vois rien. Ukobongo. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Ukomongo. Tu n'as jamais prié. Ah oui, Aumbakabad. Naumbasana! J'ai beaucoup prié. Naumbasana! J'ai beaucoup prié. Bongo! C'est faux. Maombi, Maombi Amazebu. La prière de dénomination. Ça vous a dit à Kounim? En quoi ça va t'aider? N'imitez pas les générations. Ne le faites jamais. Priez de manière. Repentez-vous. De manière. À toucher le cœur de Dieu. Qu'il soit ému. Qu'il soit touché. Ému. Non, non, il est ému. Il faut que Agusue na buluma buzari kwe muro yake. Et même la miséricorde naisse en lui. Dieu yako. À cause de toi. Comme oui, d'abord kuomba kunya uyu. Si toi tu ne sais même pas comment il faut prier. Ça, apa. Je ne sais pas si l'Église comprend. Vous comprenez que ce matin ici, Naomi est en train de détruire Ruth. Somme. Zaburi. Chapitre 51. Je vous donne seulement l'exemple. Regardez, Somme. Zaburi. Commençons le verset Somme 51. Zaburi mia makumitano na moja. Écoutez comment l'homme de Dieu prie. Verset 3. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Pourquoi dans sa bonté. Il est l'homme bon. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai une condamnation permanente dans mon cœur à cause du péché que j'ai commis. C'est vrai. J'ai péché contre toi seul. Montre à quoi ni Nicosia, ni Weye. Aïna Taouri, ni Weye. C'est toi. C'est vrai. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En prenant la femme d'autrui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est vrai, frère. Même si aujourd'hui tu m'as tué, je suis un méchant, je suis un pécheur. Tu as raison de ce que tu fais. Ça reproche dans ton jugement. Personne ne peut te reprocher. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais veux-tu que la vérité soit au fond de mon cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pénètre en moi la crainte de Dieu. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec ton sang. L'hysope, c'est le sang. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. C'est vrai, frère. Écoutez comment cet homme de Dieu prie. Frère. Banduk. Quel est Saint-Esprit lui-même? Rome t'agacifie mon Dieu, à part que vous êtes si vous êtes une rite, comme au culte à moi, tu entends correctement. Valeu ta chitia mzuri. Les instructions. Magizo. De Naomi. Ya Naomi. Et appliquez cela. N'a pas été tout métier. Vous verrez la gloire du Seigneur. Où t'as on a tout coupé à boire. C'est vrai, frère. N'y a quoi rindo. C'est vrai, ma sœur. N'y a quoi rita d'ayango. Pas quenda kuomba. Pour aller prier. Pour terminer. Avant que tu ne puisses aller prier, il ne faut pas faire de théâtre à genoux. Je vais terminer. Pour la journée d'aujourd'hui. Lorsque tu vas en prière, afin de chercher Dieu, de chercher le salut de ton âme, il ne faut pas faire michezo à genoux. Il faut être sincère. Il n'a pas eu quoi bila mchezo. Il faut être correct et honnête. Il n'a pas eu quoi kunyoloka na wazi. Na wakati uko naomba. Et lorsque tu pries. Ma semo yako ya maombi. Te dire dans ta prière. Ikuye wazi. Que ça soit ya Mungu. Clair au devant de Dieu. Si c'est le péché auquel tu te réponds, confesse ton péché clairement. Il ne faut pas mâcher les mots comme si tu craignais José qui va entendre, comme si tu craignais Ngoï qui va entendre. Ce n'est pas ton affaire. Ruth. Luta, ne disais pas, si je parle avec lui, la servante bengine, babichakati bengine, vont entendre. Elle s'en foutait. Elle quoi, je crois que je suis tout cas. Utubu, la repentance, kukiri, la confession, wajouaj. Clairement, que ça soit clair. Apana kuri. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas crier. Il n'y a pas à chanter. Ceux qui chantent, ce sont ceux qui sont dans la joie. Toi, tu es encore à mort. Vas-tu chanter? Non. Toi, tu as un problème de causer avec ton Boaz. Qu'est-ce que tu es allé faire à Genève? Au pied là-bas, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Parle avec lui. Dis-lui que tu es un méchant. Quand tu me vois ici, dis-lui quand tu me vois ici, je suis un esclave de Satan. Si toi tu ne me sauves pas, moi je mourrai. Maintenant, si je mourrai, l'œuvre que tu as accomplie au calvaire, as-tu fait pour les saints? Ne l'as-tu pas fait pour les pécheurs comme moi? C'est toi qui avais dit. Vous qui êtes fatigué, vous êtes qui êtes chargé et fatigué du péché. C'est toi qui avais dit qu'on vienne à toi. Mais voici, je viens. Ne me vois-tu pas à tes pieds? Parle avec lui. Parle avec le Seigneur. Tu es fatigué, tu as un cœur chargé. Parle avec Jésus. Parle avec Jésus. Parle avec lui. Il ne faut pas pleurer. N'aide pas à prier. Parle avec lui. Il a déjà crié. Il ne faut pas crier. Lui, il a déjà crié à ta place. Toi, parle seulement. Tu m'as pas vu, je suis à tes pieds. C'est toi qui avais dit. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai échoué. Viens m'aider. Parle avec lui. T'as dit c'est pour mon jeune ami. Parle avec lui. Toi-même, commence à te mépriser. Méprise-toi toi-même. C'est toi-même qui te rabaisse le prix. Tu n'as rien. Je suis un verre. Toi-même tu écris que je suis un verre. Mais je n'en avais pas à moi. Parle avec lui. Parle avec lui. Jusqu'à ce que il puisse bouger son pied. Si tu n'as encore rien senti dans ton cœur, tu n'as pas encore senti la paix, tu n'as pas encore senti l'onction qui te permet de rien, ou senti l'onction qui te permet de rien, tu vas te faire pour ta mère, tu vas te faire pour ta mère. Reste là. Bâti à parler. Reste là. Bâti à parler. C'est vrai, frère. Il y a quoi, Rindou? C'est vrai, ma soeur. Il y a quoi, Rindou? Comment vous vous. S'il t'est touché, maintenant tu peux commencer à lui parler. C'est toi qui es la semence de la femme. Toi, la semence de la femme. Qui a été promis. ule iru la kiwaka ya kwamba utaponda kitu ya nyoka usha kuponda we utashindwa kuekraze kivaishwe dekraze le peche da mwavi wukwa uweze yote unaona tu commences à invoquer le problème. Unaanza kusema mambo. Unaanza kuita mama lako, kutema mama lako. Frère. Nduku. Ma sœur. Dada yangu. Tu seras racheté. Utakombolewa. Hata unekalaka une femme insoumise. Même si tu es une femme insoumise de n'importe quel monde, tu sortiras là-bas. Un homme nous dit. Un homme méchant. Ah, même si tu étais un homme bagabiste, un homme mukali, tu sortiras là-bas un homme bien. Fais comme Jacob. Jacob était là. Quand Jacob est resté seul, il a prié. Ariomba, son âme était entre la vie et la mort. Il quoi katikati ya lufu na buzi. Parce que d'où il venait, il était déjà en conflit avec nous. Et là où il partait, son ennemi est allé l'attendre. Musa da tu moya, il quoi n'est pas comme nous. Il est resté là. Arbatia pale. Wakati Boaz wake na mbusa. Lorsque son Boaz l'avait touché. Il l'avait vu. Il a vu l'ange. Il l'avait tenu. Il lui a dit, je ne peux pas te lâcher. Jusqu'à ce que si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai point. Laisse-moi partir, le soleil commence à se lever. Que le soleil se lève jusqu'à même arriver à 12 heures. Tout le monde te verra et me verra. Voyez frère, voyez soeur, mnaona badad, restez là-bas, bâti à couler comme gauche, Mungu amibariki, arrêtez ici, cette portion elle est suffisante, et qui pande qui n'est né, c'est Naomi qui est soui, ni Naomi qui est fondée luta, y a-t-il des rites ici, et tu baluta apa, pas de rite intellectuel, apana baluta ba mwaki, y a-t-il des véritables rites, ni kuna sema baluta ba kui, y a-t-il des rites ici, et tu baluta apa. Les instructions sont données. Naomi a donné l'instruction. Notre mère. Mama yeti. Il donne l'instruction. Et magizo. À sa fille. Wa binti wa Rit. Luta. Devons-nous pour la prière. Tu si m'as mis à mon. Unachoka, unarosito, semana Yesu, semana Yesu. Allez, on chante ça. Dans un moment. Oui, mais les mouilles. Yesu, semana Yesu, oh yako, sina fecha zake, semana Yesu peke, semana Yesu, semana Yesu, semana Yesu, yeye la peke wakwe. Prions-nous tous ensemble.